Est-ce que les bruits de Noël ont des problèmes? Hein? Non? Alors ça dépend de l'âge des oreilles. Moi j'aime bien Noël, mais pas pour les cadeaux. Là-bas où Père Noël, les reines et le traîneau. Prend pour une pervers, mais vous êtes un commun. En été, en hiver, je me garde tout sapin. Oh oui, sapin. Quand j'achète un sapin et qu'il me plaît bien, j'y passe toute la nuit, des épines plein mon lit. Quand il perd ses épines, au bout de 2 semaines seulement, je le jette à la poubelle et je change d'amant. Oh oui, oh oui, sapin. Bye.